Les flaques et les têtes à claque, les gosses sur le macadam, j'adore. Les flics et les têtes à clique, les bosses et les macadam, j'adore. Mais pour tout le reste, je te suis vraiment docile, je teste. Pourtant, Marie-Laure, ils sont pas faciles, teste. Gainsbourg a la tête de chou, et sa gêne et son bambou, c'est chou. Gainsbourg a la tête de bar, là c'est trop, je mets les bouts, je me barre. Mais pour tout le reste, je te suis vraiment docile, je teste. Pourtant, Marie-Laure, ils sont pas faciles, teste. Miu-Miu et Patrick Devers, Depardieu dans les valseuses, j'adore. Les concierges contrôleuses, les coups de pied dans les valseuses, j'adore. Mais pour tout le reste, je te suis vraiment docile, je teste. Pourtant, Marie-Laure, ils sont pas faciles, teste. Les criques et les belles nageuses, les petites à la mine boudeuse, j'adore. Les critiques moyenâgeuses, les belles mères pétroleuses, j'adore. Mais pour tout le reste, je te suis vraiment docile, je teste. Pourtant, Marie-Laure, ils sont pas faciles, teste. Les caresses des masseuses, les lesbiennes des conneuses, j'adore. Les pleurnicheuses casseuses et les maladies honteuses, j'adore. Mais pour tout le reste, je te suis vraiment docile, je teste. Pourtant, Marie-Laure, ils sont pas faciles, teste.